Ensemble dans notre jeunesse, puis tous sont s'éparpillés. Les problèmes dans ma tête c'est trop grillé. Comprendront ceux qui veulent, les frérots qui m'aiment me suivent. La poisse nous a touchés, mais grâce au péché on vit. Je demande pardon à Dieu de faire ça, non je suis pas ravi. La musique c'est haram, j'en perds le sommeil la nuit. Courir derrière des vues, les showcase c'est le fire. Mais peut-être ce qui m'attend ça, moi ça c'est le plus gros malheur. Je m'en mets en question, même j'encaisse c'est pas joli. Je vois les gamins grandir, ils parlent mal, sont pas polis. Plus aucun respect pour ces putes de la police. Faut pas crier victoire, péder les rats ont du vide. Ouais, y'en a peu qui me raisonnent. Pour ça que j'ai besoin de personne. La plupart du temps, j'suis tout seul. Y'a que moi, mon corazon. Ouais, y'en a peu qui me raisonnent. Pour ça que j'ai besoin de personne. La plupart du temps, j'suis tout seul. Y'a que moi, mon corazon. Y'a trop de salopes ici, y'a trop d'appels anonymes. Rien des cages, maintenant, shit, il a trop vite la nourrice. Trop tentation pour les petits frères qu'on part un doro. La crapulerie trop la zone des mangoma du taureau. J'fais pas du forcing, moi tranquille j'suis calé. Me vois bien reposé quelques jours à Bali. Le 3 secondes dans tes bras me rappelle toutes ces années. Le cœur a ses raisons mais les mensonges y détruit. Et quand ils viennent les sous, ils viennent les nouveaux amis. Quand tu prends des coups, y'a plus rien, y'a que la famille. Quand j'fais pas la fête, on me dit le gros t'a changé. L'impression d'être bizarre parce que j'ai envie de me ranger. Ouais, y'en a peu qui me raisonnent. Pour ça que j'ai besoin de personne. La plupart du temps, j'suis tout seul. Y'a que moi, mon corazon. Ouais, y'en a peu qui me raisonnent. Pour ça que j'ai besoin de personne. La plupart du temps, j'suis tout seul. Y'a que moi, mon corazon. Dis pas que nous, on devient fou. On est capuché l'été. Toi, t'as changé tout d'un coup. Puis que les condés t'ont pété. Dis pas que nous, on devient fou. On est capuché l'été. Toi t'as changé tout d'un coup. Plus que les condés t'ont pété. Moi y'en a peu qui me raisonnent. Pour ça que j'ai besoin de personne. Plupart du temps j'suis tout seul. Y'a que moi mon corazon. Moi y'en a peu qui me raisonnent. Pour ça que j'ai besoin de personne. Plupart du temps j'suis tout seul. Y'a que moi mon corazon.